décor magnifique d'un rivage enchanteur. J'ai vu le plus beau soir, mais au fond de mon cœur, je n'ai qu'un seul espoir. Toi mon amour, sous les fleurs des arcades, je veux t'aimer toujours. Parmi les souvenirs de mes désirs, mon cœur voudrait cueillir une nuit à Grenade avec toi mon amour. Ciel étoilé, le chant d'une guitare, bercera nos baisers de ces accords bizarres. Dans la nuit du printemps, nous aurons tous les deux des mots d'amour troublants et la joie dans nos cœurs. Avec toi.